Tuyaga urukundo. Tuyaga urukundo ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'urukundo mu gishikirizwa na Radio Isanganiro. Tuyaga urukundo. Tashiwa kwa kazi nchiti bagenzi na wakonzi vigani ilo vya radio isangani ilo na chane mwebuge wakonzi watu ya guru kundo. Ikigani ilo mkuriki na nakumisi ngi nga mango kia goyo tuyage urukundo. Kawa kigizwe ni biche bitatu mchacha mbire tuwe agira kubazo vijereke urukundo. Mchacha kabiri tulisho kubazo mwatu kwa andike na mchacha nyuma tu kwa sigurira ururini mbovuga vijereke urukundo. Ayayayaha, munu tumbiri isangani ilo. Ura hombye urasizwe n'amajambere n'ukuri. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi mu gice cya mbere turabira hamwe abagenzi batanu udakuye kugisha inama mu rukundo. Turishura kubaza mwatwandikiye nayo mu gahogo k'urukundo tukabasigurira akaririmbo All of Me turirimbirwa na John Legend. Balena Vyarimana nkaba nongeye kuguha ikaze. Tell it to your

alivyo vyiza kurusha ivyawe o rero nta bugenzi buri muri we ahubwo n'umunyeshari no ko rero bakonzi batuye gurukundo abagenzi batanu dakuye kugisha inama cyangwa dakuye guhanunza mu rukundo wa mbere n'utemera ku rukundo rubaho wa kabiri ni utamarana n'umukunzi kabiri wa gatatu n'umuntu wumva ko azi ibintu byose kandi ategera yihenda wa kane n'umugenzi yatabika ibanga nayo wa nyuma n'umuntu w'ishari nuko rero bakunzi batuyagiye urukundo mukanya cha dutandukira ku gice cya kabiri aho twishura kwibaza uwo mwatwandikiye ibyo navyo mukavyandika kuri 76 cyangwa 75 93 jana na 35 ikiganiro ni cyo urukundo kuri radio Isanganiro. Ni mushikirije ibibazo byanyu. Ndakura mukeje balene ndi ibukemba mu bugiga fise uwo nkunda tumaranye igihe kitari gito ariko ambwira ko afise abandi kandi atabo afise ndagerageza kumwumvisha ariko ntavyemera none nokuriki kugira ngo amenye ko ntamuhenda sawa nimwe bahanuzi beza dufise ibihe byiza kuri radio Isanganiro. Urakoze cyane wewe ntiyemera yuko umukunda kandi ukabona yuko umukunda nuko mwo kwicarana ukamubwira ukaza ukamubwira ukamwereka mbere no mu ngendo no mu ngiro yuko umukunda kuko ngira ngo rafise amakenga akabona yuko mengo ntumwitaho na umwiteho hanyuma nibatsa yuko bizokunda bite balen hari cyo nashaka gusha kubazaje wenda fise umuhungu ankunda cyane yambonye umutima wo muca mu mugabo nanje se ndamwiyumva mu na gato nkamwangira mugabo akaguma anyikurikiza mu mpanuye ngo iki mu rukundo hari ikintu kimwe udashobora gukora mu rukundo no guhadikiriza ko mu rukundo niba hadikiriza nimba utamwiyumvamo yende mubihere yuko utamukunda hanyuma mumvishe ubimumvishe avyumve nawe nyene rero tukamusaba yuko yovyumva nimba abona wewe mukunda ko ntimahadikiriza no gutamukunda ko hari igihe kimwe kimuntu batitira kangire basi mugaba agatima kazo nimba rero ufise atana agatima ufise kandi ufise nabandi nibaza yuko mukura kunzira ukabimubwira ukabimwumvisha nabo nyina kavyumva balene bite fise umuhungu dukundana kandi namukunda ariko hari undi tugendana ico nshase cyose arama mugagoma asaba ko tujyamana kandi arazi ko mfise undi none ngire ndoyo onye nibaza ko takinda ariko akurondera ariko akurondera kugira gusa nabi kuko arazi neza yuko ufise undi mukundana ivyo byose ariko kwihesha no kugira ngo bara kuryosha ryosha kuryoshe ryoshe hanyuma mu nyuma wemereye uko mujyamana ari kintu kibi cyane ahubwo nubwo bwenzi kuri je numva nayo ko mucamo buhagarika gukura muri uko atari ko akuronderera ivyiza bitendiye di kinyinya afise umukobwa dukundanya ashaka ngo ndamuhe telefone tumaranye amezi atanu gusa kandi ashaka ngo mbe ari je wenda mugurira impuzu kandi turabanyeshuri nda bigenze gute uyo onye ni babandi bitwa batumukutumukuye ariko arondera ingeno bimuha bimuhaye azoca kubwira ati bayi bite balene ngo ndanye n'umwigisha nyigisha nkaba niga mu mwaka w'icenda none mu mpano y'ikenda muhewe canke mbandanye muka muri kigongo uyo onye ivyo ntibibaho ivyo ntibibaho kuko onye ariko agomba kuko kukononera ubuzima uyo bihebe bandanye wiga bite ni Bosco fise umwigeme ivyo vyaranyobe ariko mubajije kwa nkunda ambaza ngo icerekana ko atankunda n'igiki mvuze dupange gahunda ngo ntiharagira ko ahita munanje kubera ariwe nahisemo gukunda vyanse ko numweba ndondera uwundi mu mpano wiki uyo onye nibaza yuko wenye natagomba yuko mukundana kumvise izo nyishwa guhasa inyishu z'umuntu ko kubona ko mfitaniye migambi nawe nyene akuyumvamo amahoro balene umukobwa wamaze kubona ko agukunda hama ukamugurira nka telefone vyo babibi mbega kubwiye abamugora ni bibi none wumva noyi mugurira okezekeri gitega pezekeri nimba mukunda nta kibazo urasho kuyimugurira hanyuma nimba kubwira bakurondera kubera ko gufitiye icizera ko akwereka yuko niwe wenyine nta wundi afise n'ivyose rero kubananya nawe nimba ufise amahoro kamugura ku gatelefone amahoro ga balene vyukuri biganiro vyanyu biradushimisha birakadushika kunyota murakoze rero jewe ndafise umukobwa dukundanye mugabo ingorane afise nuko ambonye turi kumwe n'abandi bakobwa nagomba no gusubira kumvugisha none ubona nokora iki numubwire ngira ngo bafise amakenga yibaze ko abandi bakobwa muvugana bagomba kumutwara kibanza rero agenda umuhishuke umubwire yuko atawundi ariwe bite fise umuhungu dukundanye ariko yifuza ko tubonana ndamubwiye arindire mpeza amashuri ntavyumva none mu manuki uyu ntaneza agushakira uyu ntaneza agushakira numubwire mbe kubereki atorindira yuko uheza amashuri hanyuma mukabandanya bikagenda neza bitegeje umfise umuhungu nkunze jewe ndiga mugabo wewe arafise akazi haraheze imisi atanyandikira SMS namuhaje cha ambwira ngo nashaka kunesha umwanya wo kwiganura numva ankunda yarashobora yego arashobora kuba yari mashaka kugukunda kubera cyangwa sangane yindi gase wafise ironde wunde kagoma ati ugenda mubwire gusa ntibimubabaza ati nanga kugora kuko uri kuriga banawe ububa uri kuriga nawe nashaka no kwifuriza icoro gisa mu gihe nanga SMS akonda kuri WhatsApp canke ibaze yuko nokubira abaneza bite balene nanje nafise modemo ndamutumye ko azana na uwundi wumva arankunda bandanye cha bibandanye eh none azana mundi mubiki usanga sise ko ndafise muhungu dukundana naramubujije inzoga yaranse kuyiheba none mu manuiki ari umuntu rero nimba yikondira gacupa agashaka kugango irihebe biba bigoye kumiza ko kibwengera ngo tsohe fise umusoro twakunda nyimyaka 9 heze umwaka yaragiye kubandanya amashure ibujumbura nanje nagumye ruguru ntanguye kumva ko afise uwundi namubaza agakara mu mpanurike uyo rero sanga afise uwundi umaze kubona umuntu akaze abari kuri ivyo bita defensif yabari uwundi yo kubwiza ukuri ati oya ivyo ni bibari ko barabesha na ofise aho rero kuca kwishura akaze sanga magutera ubwoba mwere wendi kwize ibuganda nakunze mukobwa ariyo jya mbere mubonye acambira ngo ntamuko wabwa atanga inyisho ahubwo nyene agiye kwiyumvira ariko nko mundu anelefona gatatu ndamubwiye ikibazo canje acambira ngo ntavyo yovugira kuri telefone ngo nitwabonana azombwira amasomo yandi uramurindira rero muzobona rero mu masomo yandi ngira ngo aracakara kubabira kwige abone imigenzo yawe nyuma zo kubwira bitendiye duhari ubwenyutse karuzi nkunanye n'umukobwa byarashitse turashobora gatoyi acambira ngo ndi imbwa y'umuhungu byaranshavuje mu mano iki uramubwirira ikigo ajye usanga nawe nyene mu nyuma yari caricuza ati mbeyoshe namubwire iki ko ari mukaye umuhungu bitenje uti yacu umuhungu washaka ngo dukundane ariko ngabanzi ko akunda abakobwa benshi nanje naciye nibaza ko agira shire mwabo bandi none mu mpano yiki ndamukunde cyane ndabimubwi ambwira ngo yarisuye ko usaba mubwire ijoro ryiza uwe kwa yako bie kwa wihinduye ura gira nao matoza yawe ura mugiruti nindira nso kugira munga amuli chogie ufata mwenye gira matoza wane koko yuko yongeso ya, ya hindu tse koko change nukuguhenda salutu ya gurukondo ni kwa anje dukunda nyenu muhungu aliko nari hafi anji alimu mahanga amgira kwa ngunda chane kandi atazome mukira na mkunda aliko mfisugu wako azo hinduka akambabaza kuko narakunze ama ndababazwa nibaza ko nawe ariko ashobora kungira mu mpano ikigababyeyi bezo bakoze cyane nimba ko yakubwiye ati nawe nyine narakunda wihangane nibatsa yuko ura urafatira kuri ivyo onye hanyuma rero ugira ugushoboye kose muza muravugana ari kuri WhatsApp cyangwa kuma kuri Facebook onye si amaze kuba nkidirisha abantu nakanye gato kugira ngo mubonane n'umuntu ivyo rero je nibatsa ko wandaniriza ko mukagumana mugabe ikintu gukora nuko mugumana muri ko muravugana rimwe bita ku garde contact mukaba muri kumwe muvugana kuko iyo mubanda muguma muvugana no kuvuga yuko muba naho muri kure ko muri hafi ko muba muri ko muravugana ku munsi cyangwa kabiri ku munsi rimwe mu minsi ibiri ivyo urumva ko ca bituma kwa rukundo rwanyu ruguma hahandi nyene nuko rero ivyo nivyo bibazo twara dufise kuri uno munsi ukaba wifuza kutwunganira cyangwa ikibazo urunge kuri 76 cyangwa 75 amajana 935 135 mukanya na gahogo ku rukundo aho tubasigurira ururirimbo All of Me turimbigwa na John Legend agahogo ku rukundo kuri radio Isanganiro. Ntacho nokora navese iminwe ya myitsi ituma ngukunda ukanyirukana ugahindukiza umutwe udatwenga ntibinkundire yuko ndakwiyegeretse nibiki bibaye muri uyu mutwe mwiza ndemwiheganwa rikomeye ry'igitangaza. Numva ibizunguzungu, sinzi kimfashe, mugabo ndaza kugira amagara meza. Umutwe wanje uri mu mazi, mugabo ndacahema neza. Urasara nanje nataye umutwe, kubera yuko jewe wese nkunda vyose muri wewe. Nkunda ukuri, nkunda ishusho ryawe. Ibitari vyiza vyose bikiri kuri wewe, bimpa vyose biri muri wewe. Nzoguha vyose vyiwanje, uri impera ukaba intango yanje. Naho notakaza nzoronka, nzoguha vyose vyiwanje. Ukawarampaye ivyawe vyose. Oh, nikangahe nzobikubwira, naho wa uri kurarira ubu muri mwiza. Isirikira guca intege, niho ndi uko bigenda kose. Ni wewe utuma ntakaza uruwo nizeye. Ciza canje mudiyo wanje wa blues, sinshobora guhagarika kuririmba, biriko biramagara umutwe wanje kubera wewe. Umutwe wanje uri mu mazi, mugabo ndacahema neza. Urasa nanje nataye umutwe, kubera yuko jewe wese nkunda vyose muri wewe. Nkunda ukuri, nkunda ishusho ryawe. Ibitari vyiza vyose bikiri kuri wewe, bimpa vyose biri muri wewe. Nzoguha vyose vyiwanje, uri impera ukaba n'intango yanje. Nawe notakaza nzoronka, nzoguha vyose vyiwanje, ukaba warampaye ivyawe vyose. Oh, mpa vyose ivyawe. Ikarata ku mameza, twerekana twese imitima. Ataco twinona rero ntivyoroshe, kubera yuko jewe wese nkunda vyose muri wewe. Nkunda ukuri, nkunda ishusho ryawe. Ibitari vyiza vyose bikiri kuri wewe, bimpa vyose biri muri wewe. Nzoguha vyose vyiwanje, uri impera ukaba n'intango yanje. Naho notakaza nzoronka, nzoguha vyose vyiwanje. Ukawarampaye ivyawe vyose. Nzoguha vyose vyiwanje, ukaba kandi warampaye ivyiwawe vyose. Ni kuri iyo nsigura naho dusoze yo kino kiganiro cacu. Bamenyesha yuko mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe ibimenyetso bitanu bikugaragariza ko wihutisha urukundo. Tuzorabira hamwe rero ibimenyetso bitanu bikugaragariza ko wihutisha urukundo. Reka rero ndabashimire mwese mwakurikiranye kino kiganiro, abatwandikiye bose mu bibazo mu ntererano zabo zose, tukaba tubashimiye. Ikindi kiganiro ni ku munsi nk'uko twatanguriye. Mugire ibihe byiza na gahwane. Cyari ikiganiro tuyaga urukundo, mushikirizwa na Radio Isanganiro.